Chapitre 6e. Vers 11 heures du soir, tous les visiteurs de Nadine avaient quitté les lieux, sauf Anna, qui avait tenu à bavarder seule avec Nadine. Cette dernière n'était guère enchantée de cette initiative, mais elle voulait se faire une alliée d'Anna, au cas où elle aurait besoin d'elle lors de la succession. Elle n'avait rien en commun avec cette Italienne à la féminité débordante, toujours relevée par un détail quelconque, une paire de mules à talons hauts, des immenses boucles créoles, un vernis à ongles d'un rouge hollywoodien, un décolleté négligé, sous lequel, même à son âge, elle n'hésitait pas à porter un wonderbra et tout un tas de fanfreluches. C'était le style d'Anna. Malgré les conseils et les observations, elle n'en avait jamais changé. Vers minuit, au cours d'un dernier verre, la conversation bascula dans la confidence. « Il était tendre avec vous ?» se risqua Anna. « Non, pas vraiment, mais il me respectait et me traitait comme il faut. » Avec moi non plus, il n'était pas tendre, sauf au tout début. Mais quand il a eu ce qu'il voulait, il faut dire aussi que je lui ai mené la vie dure. Vous savez, c'est beaucoup grâce à moi s'il est devenu ce qu'il était. Seul, il se serait contenté de son petit garage de mécanique et au mieux, il aurait fini comme concessionnaire automobile. Vous savez, moi, ça... Allez, Nadine, pas de simagré entre nous. Reconnaissez que c'est sa situation qui vous a attiré plus que tout le reste. Oui, c'est vrai. Mon premier mari n'avait pas pris les bonnes dispositions. Et j'avoue que quand j'ai rencontré Hansi, j'ai commencé un peu à tirer le diable par la queue. Ah, vous voyez. Mais je ne vous en veux pas, au contraire. Après tout, les hommes profitent de nous. Il faut bien que nous nous défendions comme nous le pouvons. Il n'y a pas que les hommes qui ont un avenir. Nous, en général, on a le leur. Et quand ils nous quittent, il faut bien qu'on pense à la matérielle, pas vrai? Puis, le silence étant établi, Anna reprit. « Vous savez, je peux bien vous le dire. Si j'étais resté célibataire, je crois que j'aurais le même rang social que celui que j'ai aujourd'hui. Et entre nous, même seul, j'ai continué à faire des affaires. » Elle se laissa aller à un petit rire silencieux, apparemment très fière d'elle-même. Elle se risqua, du bout des doigts, à remettre de l'ordre dans les cheveux de Nadine. « Dégagez votre visage, vous êtes si jolie, autant que ça se voit. » Puis, enhardie par cette intimité, elle osa poser les questions qui la préoccupaient au sujet du défunt absent. Après tout, parler de lui, c'était une façon comme une autre de veiller le mort même si son corps n'était pas présent. Est-ce qu'il vous parlait de son enfance? Non, jamais. Il ne me parlait pas non plus de l'Italie. Nous avons visité tous les pays, sauf celui-là. Eh bien, avec moi, c'était pareil. Une fois, nous avons été à Turin pour voir un fabricant. Il m'a laissé seul pour visiter la ville. Quand je lui ai demandé pourquoi nous n'avions pas visité son village, il m'a répondu qu'il n'y avait plus personne de sa famille là-bas. Et nous sommes rentrés tout de suite à Aix. On aurait dit qu'il haïssait l'Italie. La conversation retomba. Chacune suivait le cours de ses pensées. Pour Anna, les questions n'étaient pas terminées. « Vous n'avez pas voulu d'enfant avec Hansi ?» Nadine finement de la tête. « Et pourquoi ?» reprit Anna. « Parce que je ne voulais pas que mes enfants aient un père de 80 ans. » quand ils auraient été au lycée. Mais c'est très bien ainsi, ça ne me manque pas. Moi, je n'ai pas pu en avoir. Ça s'est très mal passé pour le premier, et il a fallu me stériliser. Hansi en a été très affecté, il aurait rêvé d'un fils. De nouveau, le silence se fit. Enfin, Anna reprit. De sorte qu'il n'y a que nous deux, comme héritières en ligne directe. Nadine eut un petit haut-le-corps. Apparemment, cette idée l'a choquée au plus haut point. Elle parut tout à coup se réveiller. « Je ne vois pas pourquoi vous hériteriez d'Annecy. C'est moi, sa femme. C'est déjà beau que vous ayez touché une pension pendant tant d'années. » Anna ne s'offusqua pas de cette réaction qu'elle avait d'ailleurs prévue. Elle eut un vague sourire. « Mais je n'ai jamais touché de pension, ma chère. Lors de notre divorce, je n'ai pas demandé de prestations compensatoires. En échange, les statuts de la société ont été modifiés et j'ai préféré entrer dans la société avec 20% des parts. Après tout, c'était normal. » puisque j'étais pour beaucoup dans le développement de la boîte. Quant à l'héritage, c'est autre chose. Je suis co-héritière avec vous de mon ex-mari à parts égales, et ce sont des dispositions testamentaires. Je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure, pour ne pas plomber l'atmosphère de la réunion. Je suis prête à vous laisser tout ce que vous voulez, mais je ne lâcherai rien concernant l'entreprise. C'est tout de même en partie grâce à moi, si Hansi Luthi et Canepa Rometalco est devenue une entreprise si importante. Vous allez en détenir 20%, mais je ne vous laisserai pas faire n'importe quoi. » Nadine rejeta violemment ses cheveux en arrière en signe d'humeur et alluma nerveusement une cigarette. Ses mains tremblaient légèrement et trahissaient sa colère. « Mais ne vous énervez pas, Nadine, » reprit Anna, « ça ne sert à rien. Attendons d'abord la succession, ensuite nous nous arrangeons. Vous verrez, vous ne serez pas perdante. Franchement, vous vous voyez à la tête d'une telle entreprise. Et de toute façon, vous ne pourrez rien faire puisque vous ne serez pas majoritaire. Vous ne pourrez que vendre les parts dont vous allez hériter. » La journée fut interminable pour Canet Parot. Il fallut répondre aux questions des cadres de l'entreprise, hocher tristement la tête aux présentations de condoléances, avertir l'expert comptable, les banquiers, en demander à chacun à ce que tout soit parfaitement clean, rassurer les clients déjà prévenus et inquiets. Enfin, il dut couper court aux mensonges et aux calomnies qui commençaient déjà à se répandre parmi le personnel. Pour les uns, il s'agissait d'un règlement de compte de la mafia. Pour les autres, on avait effacé un concurrent gênant, sans compter les affaires de fesses possibles. Il tardait à Canet Parot de se retrouver chez lui, au calme, pour faire le point, loin de cette ambiance délétère. Il éprouvait des sentiments très mêlés. D'une part, une impression de liberté d'action et de pensée. Il allait désormais pouvoir prendre certaines décisions seul, sans avoir besoin de convaincre, sans rencontrer d'opposition. Mais réellement, il se demandait s'il avait encore envie d'en prendre des décisions. D'autre part, il ressentait une vague angoisse, comme un capitaine de bateau qui s'aperçoit que son équipe a disparu et qu'il est seul à bord. Anzilouti était têtu, certes, mais il était réfléchi, avisé, opiniâtre. Canet Parot, lui, au contraire, était fantasque, entreprenant, risque tout. En somme, il ne s'apercevait que maintenant que les deux amis étaient parfaitement complémentaires. Ce n'était pas du chagrin qu'il éprouvait, non, plutôt un immense découragement, une envie de tout plaquer et d'aller se faire voir ailleurs. En vérité, cet assassinat lui avait filé un terrible coup de vieux et fait descendre son moral dans les chaussettes. Vers 20 heures, Pronzati frappa doucement à la porte de la cuisine. Sa mine n'était guère plus joviale que celle de Canet Parot. Pronzati, lui aussi d'origine italienne, était l'archétype du mec qui n'a jamais eu de bol dans la vie. Orphelin très tôt, il fut recueilli par des religieux à l'âme aussi noire que leur soutane. Il réussit à s'évader et atterrit sur le port de Gênes. Là, il servit à tout ce à quoi peut servir un gamin qui n'a personne pour le défendre. Bientôt, les mille et une ficelles de la pègre n'eurent aucun secret pour lui. Mais il n'avait pas de chance dans la vie. Il était né comme ça. Chaque fois qu'il participait à un coup, il était arrêté avant d'avoir fait quoi que ce soit. La police et la douane étaient fatigués de le trimballer en fourgon, de voir sa face de rat derrière les barreaux, et de lui donner à manger. Un beau matin, il monta dans un train de marchandises pour Toulon. Dans ce port méditerranéen jumeau de Gênes, il pensait pouvoir enfin percer. Mais de fait, il ne perça que ses poches et le fond de son pantalon, même pas le moindre petit coffre-fort. La police et la douane avaient changé de couleur, mais sa vie reprit le même cours qu'à Gênes. La quarantaine bien sonnée, il fit un jour la connaissance d'un vieux pêcheur corse qui lui apprit des rudiments de mécanique pour pouvoir entretenir un bateau à quai. À partir de là, les flics le laissèrent tranquille et il commença à manger à sa faim. Il rencontra Canet Parot qui cherchait pour sa maison un homme à tout faire. Pronzati fut tout de suite à la cool avec ce grand type qui parlait peu et ne posait pas de questions. La langue maternelle les rapprocha et l'affaire fut conclue. « Oh, Pronzati, tu fais une drôle de tête. C'est la mort d'Anzi qui te chagrine à ce point ?» Pronzati baissa les yeux. « Eh ben oui, hein, quand même. » Il informa son patron que le lendemain le mazout allait être livré et que le plombier viendrait régler la chaudière. Resté seul, puisqu'il avait donné congé à la bonne, Canet Parot se servit un whisky sec et put enfin réfléchir à la mort d'Anzi. Le capitaine Pérez le lui avait dit par téléphone. Il fallait privilégier l'hypothèse de l'assassinat. Mais qui avait voulu effacer Anzilouti ? Canet Parot perçut soudain des bruits de pas dans le gravier autour de la maison. Certainement Pronzati qui terminait une tâche quelconque. Certes, Canet Parot avait menti. Ils étaient bien victimes de raquettes. Mais cela faisait partie des us et coutumes de la région. À commencer par les 3 délégués syndicaux que l'on arrosait en même temps avec les mêmes sommes en liquide afin qu'il n'y ait pas d'embrouille. Puis il y avait des organismes soi-disant d'utilité publique auxquels on versait des sommes par chèque, ce qui permettait d'en récupérer 25% en déduction d'impôts. L'organisme reversait le quart de la somme en liquide, sans témoin bien entendu, ce qui voulait dire que la dîme revenait à moitié prix. Tout le monde y gagnait, sauf l'État. Il y avait aussi quelquefois des factures payées à des entreprises étrangères dont le matériel ne parvenait jamais. Mais tout cela n'allait guère bien loin, et ne justifiait pas que quelqu'un voulût régler ses comptes à coups de flingue. Mais en y réfléchissant mieux, pourquoi n'en aurait-on voulu qu'à Hansi? Pourquoi Canepparo, lui aussi, ne serait-il pas visé? Il lui sembla encore entendre des pas dans le gravier devant la maison. Nom de Dieu, qu'est-ce que Pronzati foutait dehors à cette heure? N'y tenant plus, Canepparo alluma l'éclairage extérieur et fit le tour de la maison, sans rien remarquer d'anormal. Au fond du jardin, la cuisine de Pronzati était allumée. Il devait donc être chez lui. Pris d'une soudaine fièvre, Canepparo alla dans sa chambre vérifier que son 9 mm était toujours à sa place. Revenu au salon, il ouvrit la vitrine aux armes, en sortit une boîte de cartouches et les introduisit une à une dans le chargeur du Beretta. Puis il fit monter une balle dans le canon, mit le cran de sûreté et posa l'arme près de lui, au cas où. Malgré l'atmosphère un peu tendue après leur discussion de la veille, Anna était tout de même revenue chez Nadine avec l'intention cette fois d'y passer la nuit pour lui tenir compagnie. Elle avait été intriguée par la colère rentrée de Nadine. N'avait-elle pas prévu cette dinde, ce qui arriverait au cas où Hansi disparaîtrait? Croyait-elle qu'elle allait emporter tout le pactole d'un coup de baguette magique? Et au fond, ne serait-ce pas sur ses fausses espérances qu'elle avait fait assassiner son mari? Car finalement, Hansi, avec son excellente constitution, aurait tout aussi bien pu vivre jusqu'à 90 ans, quand Nadine, elle, aurait eu 60 ans bien sonnés. Elle n'aurait plus droit qu'au tour opérateur et aux jeunes membres bien membrés des clubs des îles, tandis que maintenant, elle pouvait encore espérer refaire sa vie une nouvelle fois. De son côté, Nadine sut plutôt ferme. Cette salope d'Anna, rouée comme une vieille hyène, une calculette dans une main, le porte-monnaie dans l'autre, peu farouche en amour, était bien capable d'avoir tout prémédité pour faire assassiner son mari. C'était le bon moment. L'entreprise était florissante. Puisqu'elle héritait de la moitié des parts de son mari, elle devenait actionnaire majoritaire à égalité avec Canepparo. Elle pouvait faire ce que bon lui semblait. Racheter les parts de Canepparo, prendre la direction seule ou vendre. Cette saleté n'avait pas froid aux yeux. Et avec elle, tout était possible. Soudain, Nadine eut envie d'aller l'étouffer sous un coussin pendant son sommeil. Elle prit la direction d'une des chambres d'amis et avança sur la pointe des pieds. Anna souffrait d'hypertension. Elle pouvait faire un AVC, par exemple, pendant la nuit. Parvenue devant la porte, elle écouta quelques secondes et posa doucement la main sur la poignée. Elle entrebâilla la porte sans bruit. La chambre était plongée dans le noir. Nadine était plus grande, plus forte, plus jeune qu'Anna. Même s'il y avait lutte, elle l'emporterait. Elle se décida à entrer quand soudain une voix derrière elle dit doucement « Je n'arrivais pas à dormir. C'est chaque fois pareil. Quand je me couche trop tard, je n'ai pas osé allumer pour ne pas vous réveiller. » Nadine était trop retournée pour répondre quoi que ce fût. Anna alluma la chambre et finalement Nadine put articuler « Je venais voir si vous dormiez bien. Moi non plus, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. » Mais malgré son émoi, Nadine remarqua qu'Anna ne s'était pas déshabillée. Elles se séparèrent finalement, avec chacune un sourire figé sur le visage. De retour dans sa chambre, Nadine fut prise d'un tremblement irrépressible et de fourmillements dans les mains, annonçant une crise de spasmophilie. Elle prit un demi-lexomil, s'allongea les bras le long du corps, le drap sur la tête et attendit la fin de la crise. Mon Dieu ! Elle avait failli assassiner Anna ! N'importe quel toubib aurait bien vu qu'il s'agissait d'un étouffement, sans compter les ecchymoses sur la peau. Alors il aurait fallu qu'elle se débarrasse du cadavre. Quel bordel ! Non ! C'était sûr qu'Anna devait disparaître, mais pas de cette façon, et surtout pas dans sa maison. Elle ouvrit la table de nuit d'Hansi et en sortit le revolver qu'il rangeait là, en cas d'agression. Ces derniers mois, plusieurs braquages avaient eu lieu dans les propriétés alentour. Hansi détenait ce revolver légalement. L'arme était dûment enregistrée en préfecture et répertoriée. Elle le contempla et finit par le glisser dans sa propre table de nuit. Rassurée, elle finit par s'endormir. Anna ne se coucha que quand elle fut sûre que Nadine dormait. Elle était certaine qu'elle avait l'intention de l'assassiner. Mais qu'est-ce qu'elle croyait, cette gourde, qu'elle se serait laissée faire? Elle avait dans la main un coupe-papier qu'elle lui aurait planté dans le cou. Mais après, il aurait fallu faire disparaître les traces de sang, emporter la dépouille et tout le toutim. Ça n'était plus de son âge. Nadine devait disparaître, certes, mais plus proprement. Canéparo, à la main crispée sur son Beretta, finit par se dire que si on voulait l'assassiner, il valait mieux que ce fût pendant son sommeil. Il lâcha prise et s'endormit enfin. Pérez fit un cauchemar affreux. Elle était allongée nue sur son bureau, les jambes en l'air, largement écartées, fumant voluptueusement. Un jeune mâle superbe allait venait entre ses cuisses. Elle cambrait les reins, balançait les jambes pour accompagner les mouvements et serrait les fesses pour mieux sentir l'objet du plaisir. Déjà, son ventre se contractait sous des spasmes de plaisir grandissants. Les volutes bleutées envahissaient la pièce. Alors qu'elle allait enfin jouir, Volpi faisait irruption dans le bureau enfumé et lui logeait une balle dans la tête. Elle se réveilla au bord de l'asphyxie, les poings serrés sur le drap remonté sous sa gorge, l'entrecuisse inondée. Elle se leva pour boire un verre d'eau fraîche. « Décidément, se dit-elle, je suis très perturbée. » Jadjiga rêva que sa tête était dans un étau, dont on refermait doucement les mâchoires. C'était intolérable. Elle plaça un coussin supplémentaire sous sa tête. Assise, la douleur était plus facilement supportable. Personne ne sut ce que pensait Anzilouti, sous son drap, couché dans son frigo, recousu comme un chapon fourré. Il devait certainement avoir froid, mais le lendemain, les flammes du crématorium le réchaufferaient. Seul dans le noir, son assassin attendait la suite de la storia, dans laquelle il manquait encore des chapitres. Tout n'était pas fini.